Cinquième journée, chapitre 1. Cette nuit-là, à l'hôtel des apparitions, Pierre, de nouveau, ne put fermer l'œil. Après être passé par l'hôpital pour prendre des nouvelles de Marie, qui dormait d'un profond sommeil d'enfant, délicieux et réparateur depuis son retour de la procession, il s'était couché lui-même, inquiet de n'avoir pas vu reparaître M. de Guersin. Il l'attendait tout plus tard pour le dîner. Un accident sans doute l'avait retenu à Gavarnie. Et il songeait au tourment de la jeune fille, si son père n'allait pas l'embrasser dès le lendemain matin. Avec cet homme si aimablement distrait, à la cervelle d'oiseau, toutes les suppositions, toutes les craintes étaient possibles. Peut-être cette inquiétude avait-elle d'abord suffi à tenir Pierre éveillé, malgré sa grande fatigue. Mais ensuite, le tapage nocturne dans l'hôtel avait vraiment pris des proportions intolérables. Le lendemain, mardi, était le jour du départ, le dernier jour que le pèlerinage national devait passer à Lourdes. Et sans doute les pèlerins profitaient goulûment des heures, revenaient de la grotte, y retournaient en pleine nuit, tâchaient de violenter le ciel par leur agitation, sans besoin aucun de repos. Les portes battaient, les planchers tremblaient, la maison entière vibrait, comme sous le galop désordonné d'une foule. Jamais encore les murs n'avaient résonné de tout si opiniâtre, de si grosses voix indistinctes. Et Pierre, gagné par l'insomnie, se retournait en sursaut, se relevait, avec la continuelle idée que ce devait être M. de Guersin qui rentrait. Pendant quelques minutes, il tendait fiévreusement l'oreille, il n'entendait que les rumeurs extraordinaires du couloir, où il ne distinguait rien de précis. Était-ce, à gauche, le prêtre, la mère et ses trois filles, le ménage de vieilles gens qui se battaient avec les meubles? Ou était-ce plutôt à droite l'autre famille si nombreuse, l'autre monsieur seul, la jeune dame seule, que d'incompréhensibles événements jetaient dans les aventures? Un instant, il sauta de son lit. Il voulut visiter la chambre vide de son compagnon absent, certain qu'il s'y passait des choses violentes. Mais il eut beau écouter, il ne saisit plus, derrière la cloison mince, que le murmure tendre de deux voix, d'une légèreté de caresse. Le brusque souvenir de Madame Volmar lui revint, et il retourna se coucher, frissonnant. Enfin, au grand jour, Pierre s'endormait, lorsque des coups rudes, frappés dans sa porte, le firent sursauter. Cette fois, il ne se trompait pas, une forte voix criait, étranglée par l'angoisse. « Monsieur l'abbé, monsieur l'abbé, de grâce, éveillez-vous !» C'était décidément M. de Guersin qu'on rapportait mort, pour le moins. Effaré, il courut ouvrir, en chemise, et se trouva devant M. Vigneron, son voisin. « Oh, de grâce, monsieur l'abbé, habillez-vous vite, on a besoin de votre saint ministère !» Alors, il raconta qu'il venait de se lever pour regarder l'heure à sa montre, posée sur la cheminée, quand il avait entendu des soupirs atroces sortir de la chambre voisine, où était couchée Madame Chaise. Elle avait laissé la porte de communication ouverte, par gentillesse, afin d'être davantage avec eux. Naturellement, il s'était précipité, poussant les persiennes, donnant du jour et de l'air. « Et quel spectacle, monsieur l'abbé! Notre pauvre tante sur son lit, à moitié violette déjà, la bouche béante, sans pouvoir reprendre haleine, les mains égarées, crispées parmi les draps. Vous comprenez, c'est sa maladie de cœur. « Venez, venez vite, monsieur l'abbé, pour l'assister, je vous en supplie. » Pierre, étourdi, ne retrouvait ni son pantalon ni sa soutane. « sans doute, je vais avec vous. Mais je ne puis l'administrer, je n'ai pas ce qu'il faut. » Monsieur Vigneron l'aidait à se vêtir, s'accroupissait en quête des pantoufles. « Ça ne fait rien, votre vue seule l'aidera à passer, si Dieu vous réserve cette affliction. » « Tenez, chaussez-vous d'abord, et suivez-moi, oh, tout de suite, tout de suite !» Il repartit en coup de vent, s'engouffra dans la chambre voisine. Toutes les portes étaient restées grandes ouvertes. Le jeune prêtre qui le suivait ne remarqua dans la première pièce obstrué d'un incroyable désordre, que le petit Gustave, demi-nu, assis sur le canapé où il couchait, immobile, très pâle, oublié et grelottant, au milieu de ce drame de la mort brutale. Des valises éventrées barraient le passage, des restes de charcuterie salissaient la table, le lit du père et de la mère semblait ravagé par la catastrophe, les couvertures tirées, jetées à terre. Et tout de suite, dans la seconde chambre, il aperçut la mère, vêtue en hâte d'un vieux peignoir jaune, debout, l'air terrifié. « Eh bien, mon ami ! Eh bien, mon ami !» répéta M. Vigneron, bégayant. D'un geste, sans répondre, Madame Vigneron montra Madame Chaise, qui ne bougeait plus, la tête retombée sur l'oreiller, les mains retournées et raidies. La face était bleue, la bouche bâillait, comme dans le dernier souffle énorme qui s'en était échappé. Pierre s'était penché, puis, à demi-voix, « Elle est morte !»« Morte !» Ce mot retentit dans la chambre, mieux tenue, où régnait un lourd silence. Et les deux époux se regardèrent, stupéfaits, éperdus. C'était donc fini! La tante mourait avant Gustave, le petit hérité des 500 000 francs. Que de fois ils avaient fait ce rêve, dont la brusque réalisation les hébétait. Que de fois ils avaient désespéré, en craignant que le pauvre enfant ne partît avant elle. « Morte, mon Dieu! Est-ce que c'était leur faute? Est-ce qu'ils avaient réellement demandé cela à la Sainte Vierge? » Elle se montrait si bonne pour eux qu'ils tremblaient de n'avoir pu exprimer un souhait sans être exaucés. Déjà, dans la mort du chef du bureau, subitement emporté pour leur laisser la place, ils avaient reconnu le doigt si puissant de Notre-Dame de Lourdes. Est-ce qu'elle venait de les combler de nouveau, en écoutant jusqu'aux songeries inconscientes de leurs désirs? Tant ils n'avaient jamais voulu la mort de personne. Ils étaient de braves gens, incapables d'une action mauvaise, aimant bien leur famille, pratiquant, se confessant, communiant comme tout le monde, sans ostentation. Quand ils pensaient à ces 500 000 francs, à leur fils qui pouvait s'en aller le premier, à l'ennui qu'ils auraient de voir un autre neveu, moins digne, hérité de cette fortune, tout cela était si discret au fond d'eux, si naïf, si naturel en somme. Et ils y avaient certainement pensé devant la grotte. Mais la Sainte Vierge n'était-elle pas la suprême sagesse? Ne savait-elle pas mieux que nous-mêmes ce qu'elle devait faire pour le bonheur des vivants et des morts? Alors, très sincèrement, Madame Vigneron éclata en sanglots, pleurant sa sœur qu'elle adorait. « Ah, monsieur l'abbé, je l'ai vue s'éteindre, elle a passé sous mes yeux. Quel malheur que vous ne soyez pas venu plus tôt pour recevoir son âme. Elle est morte sans prêtre, votre présence l'aurait tant consolée. » Les paupières lourdes de larmes, cédant aussi à l'attendrissement, M. Vigneron consola sa femme. « Ta sœur était une sainte, elle a communié encore hier matin, et tu peux être sans inquiétude, son âme est allée droit au ciel. » Sans doute, si M. l'abbé était arrivé à temps, cela lui aurait fait plaisir de le voir. « Que veux-tu? La mort a été la plus prompte. J'ai couru tout de suite. » Nous n'aurons eu, jusqu'au bout, aucun reproche à nous faire. » Et, se tournant vers le prêtre, « Monsieur l'abbé, c'est sa piété trop grande qui a pour sûr raté la crise. Hier, à la grotte, elle avait eu déjà un étouffement, dont la violence était significative. Et, malgré sa fatigue, elle s'est ensuite obstinée à suivre la procession. Je pensais bien qu'elle n'irait pas loin. Seulement, c'était si délicat, on n'osait rien lui dire dans la crainte de l'effrayer. » Doucement, Pierre s'agenouilla, récita les prières d'usage, avec cette émotion humaine qui lui tenait lieu de croyance, devant l'éternelle vie, l'éternelle mort, si pitoyable. Puis, il demeura un instant à genoux, et l'entendit les voix chuchotantes du ménage. Le petit Gustave, oublié sur son lit, dans le désordre de la chambre voisine, avait dû être pris d'impatience, Il pleurait, il criait « Maman, maman, maman !» Enfin, Madame Vigneron alla le calmer. Et elle eut l'idée de la porter entre ses bras pour qu'il embrassât une dernière fois sa pauvre tante. D'abord, il se débattit, refusant, pleurant plus fort. Si bien que Monsieur Vigneron fut forcé d'intervenir en lui faisant honte. Comment, lui qui n'avait peur de rien, qui montrait devant le mal du courage autant qu'un homme, et sa pauvre tante, toujours si aimable, dont la dernière pensée avait dû être certainement pour lui. « Donne-le-moi, » dit-il à sa femme, « il va être raisonnable. » Gustave finit par s'abandonner au cou de son père. Il arriva en chemise, grelottant, montrant la nudité de son misérable petit corps que rongeait la scrofule. Loin de le guérir, il semblait que l'eau miraculeuse de la piscine eût avivé la plaie de ses reins, tandis que sa maigre jambe pendait inerte, pareille à un bâton desséché. « Embrasse-la !» reprit Monsieur Vigneron. L'enfant se pencha, baisa sa tante sur le front. Ce n'était pas la mort qui l'inquiétait et le faisait se révolter. Depuis qu'il était là, il regardait la morte d'un air de tranquillité curieuse. Il ne l'aimait pas. Il avait souffert d'elle trop longtemps. C'était chez lui des idées, des sentiments de grande personne dont le poids l'avait étouffé à mesure qu'elle se développait et s'aiguisait avec son mal. Il sentait bien qu'il était trop petit, que les enfants ne doivent pas comprendre les choses qui se passent au fond des gens. Son père, s'étant assis à l'écart, le garda sur ses genoux pendant que la mère refermait la fenêtre et allumait les bougies des deux flambeaux de la cheminée. « Ah, mon pauvre mignon !» murmura-t-il dans le besoin qu'il avait de parler. « C'est une perte cruelle pour nous tous. Voilà notre voyage gâté complètement. Car c'était notre dernier jour, on part cet après-midi. Et la Sainte Vierge, justement, qui se montrait si bonne. » Mais devant le regard étonné de son fils, un regard d'infinie tristesse et de reproche, il se hâta de reprendre. « Oui, sans doute, je sais qu'elle ne t'a pas guéri encore tout à fait. » Seulement, il ne faut jamais désespérer de sa bienveillance. Elle nous aime trop, elle nous comble trop de ses grâces. Elle finira sûrement par le guérir, puisque maintenant, elle n'a plus que cette grande faveur à nous accorder. » Madame Vigneron, qui avait entendu, s'approcha. « Comme nous aurions été heureux de rentrer à Paris bien portants tous les trois. Jamais rien n'est complet. » « Dis donc !» fit remarquer brusquement Monsieur Vigneron. « Je ne vais pas pouvoir partir avec vous cet après-midi à cause des formalités. Pourvu que mon billet de retour reste valable jusqu'à demain. » Tous deux se remettaient de l'affreuse secousse, soulagés, malgré l'affection qu'ils avaient pour Madame Chaise. Et ils l'oubliaient déjà. Ils n'éprouvaient plus que la hâte de quitter Lourdes, comme si le but principal du voyage se trouvait rempli. Une joie décente, inavouée, les inondait. « Puis à Paris, j'aurai tant à courir, » continua-t-il, « moi qui n'aspire plus qu'au repos. Ça ne fait rien, je resterai mes 3 ans au ministère jusqu'à ma retraite. Maintenant surtout que je suis certain de la retraite de chef de bureau. Seulement après, oh, après, je compte bien jouir un peu de la vie. » Puisque cet argent nous arrive, je vais acheter dans mon pays le domaine des Billottes, cette terre superbe dont j'ai toujours rêvé. Et je vous réponds que je ne me ferai pas de mauvais sang au milieu de mes chevaux, de mes chiens et de mes fleurs. » Le petit Gustave était resté sur ses genoux, frissonnant de tout son pauvre corps d'insecte avorté, dans sa chemise retroussée à demi, qui laissait voir sa maigreur d'enfant mourant. Lorsqu'il s'aperçut que son père ne le sentait même plus là, tout à son rêve d'existence riche, enfin réalisable, il eut un de ces sourires énigmatiques, d'une mélancolie aiguisée de malice. « Eh bien, père, et moi ? » Monsieur Vigneron, réveillé comme un sursaut, s'agita, parut d'abord ne pas comprendre. « Toi, mon petit, toi, tu seras avec nous, parbleu !» Mais Gustave continuait à le regarder fixement, profondément, sans cesser de sourire de ses lèvres fines, si navrées. « Oh, crois-tu ?»« Certainement, je le crois. Tu seras avec nous. Ce sera très gentil d'être avec nous. » Gêné, balbutiant, Monsieur Vigneron, qui ne trouvait pas les mots convenables, demeura glacé, lorsque son fils haussa ses maigres épaules d'un air de philosophique dédain. « Oh non, moi, je serai mort !» Et le père, terrifié, lut tout d'un coup dans le regard profond de l'enfant, un regard d'homme très vieux, très savant en toute matière, qui connaissait les abominations de la vie pour les avoir souffertes. Et surtout, ce qui l'effarait, c'était la soudaine certitude que cet enfant l'avait toujours pénétré lui-même jusqu'au fond de l'âme, au-delà de ce qu'il n'osait s'avouer. Il se rappelait, dès le berceau, les yeux du petit malade fixés sur les siens. Ces yeux que la souffrance rendait si aigus, qu'elle douait sans doute d'une force de divination extraordinaire, fouillant les pensées inconscientes dans l'obscurité des crânes. Et, par un singulier contre-coup, les choses qu'il ne s'était jamais dites, il les retrouvait toutes à cette heure dans les yeux de son enfant. Il les voyait, les lisait malgré lui. L'histoire de sa longue cupidité se déroulait, sa colère d'avoir un fils si chétif, son angoisse à l'idée que la fortune de Madame Chaise reposait sur une existence si fragile, son âpre souhait qu'elle se hâtât de mourir pour que le petit fût encore là, de façon à lui assurer l'héritage. C'était simplement une question de jour, ce duel à qui partirait le premier. Puis, au bout, c'était quand même la mort, le petit à son tour s'en allait, lui seul empochait l'argent, vieillissait longtemps dans l'allégresse. Et ces choses affreuses sortaient si nettes des yeux fins, mélancoliques et souriants du pauvre être condamné, s'échangeaient entre eux avec une telle clarté d'évidence qu'un instant il sembla au père et au fils qu'ils se les criaient à voix très haute. Mais Monsieur Vigneron se débattit, tourna la tête, protesta violemment. « Comment tu seras mort? En voilà des idées! C'est absurde, des idées pareilles !» Madame Vigneron s'était remise à sangloter. « Méchant enfant, peux-tu nous causer une telle peine au moment où nous pleurons une perte si cruelle déjà ?» Il fallut que Gustave les embrassât, en leur promettant de vivre, de faire cela pour eux. Cependant, il n'avait pas cessé de sourire, sachant bien que le mensonge était nécessaire quand on voulait ne pas trop s'attrister. Résigné d'ailleurs à laisser après lui ses parents heureux, puisque la Sainte Vierge elle-même ne pouvait lui donner, en ce monde, le petit coin de bonheur pour lequel toute créature aurait dû naître. Sa mère alla le recoucher, et Pierre enfin se releva, au moment où M. Vigneron achevait de disposer la chambre d'une façon convenable. « Vous m'excusez, n'est-ce pas, monsieur l'abbé ? » dit-il en accompagnant le jeune prêtre jusqu'à la porte. « Je n'ai pas la tête bien à moi. Enfin, c'est un mauvais quart d'heure à passer. Il faudra tout de même que je m'en tire. » Dans le corridor, Pierre s'arrêta une minute, écoutant un bruit qui montait de l'escalier. Il avait songé encore à M. de Guersin, il croyait reconnaître sa voix. Puis, comme il restait là, immobile, un événement se produisit qui lui causa une gêne atroce. Avec une lenteur prudente, la porte de la chambre, occupée par le monsieur tout seul, venait de s'ouvrir, et une dame, vêtue de noir, était sortie, si légère que, dans l'entrebâillement, on avait eu à peine le temps de distinguer le monsieur, debout, les doigts sur les lèvres. Mais quand la dame se retourna, Elle se trouva soudain face à face avec Pierre. Cela fut si net, si brutal, qu'ils ne purent se détourner, en feignant de ne pas s'être reconnus. C'était Madame Wolmar. Après les 3 jours et les 3 nuits qu'elle venait de passer là, au fond de cette chambre d'amour, dans une claustration absolue, elle s'en échappait de grand matin, avec un arrachement de tout son être. 6 heures n'étaient pas sonnées, elle espérait n'être vue de personne, s'évanouir par les couloirs et l'escalier vide d'une légèreté d'ombre. Et elle avait le désir aussi de se montrer un peu à l'hôpital, d'y passer cette matinée dernière pour justifier sa présence à Lourdes. Quand elle aperçut Pierre, elle fut prise d'un tremblement. Elle bégaya d'abord. « Oh, monsieur l'abbé, monsieur l'abbé !» Puis, en remarquant que le prêtre avait laissé sa porte grande ouverte, elle parut céder à la fièvre qui la brûlait, à un besoin de parler de cette flamme, de s'expliquer, de s'innocenter. Le sang au visage, elle passa la première, elle entra dans la chambre où il dut la suivre, fort troublée de l'aventure. Et comme il laissait la porte ouverte encore, ce fut elle qui, d'un signe, le pria de la fermer, voulant se confier à lui. « Oh, monsieur l'abbé, je vous en supplie, ne me jugez pas trop mal !» Il eut un geste pour dire qu'il ne se permettait pas de porter un jugement sur elle. « Si, si, je sais bien que vous connaissez mon malheur. À Paris, vous m'avez aperçu une fois, derrière la Trinité, avec une personne. Et l'autre jour, ici, vous m'avez reconnu sur le balcon, n'est-ce pas? Vous vous doutiez que je vivais là, près de vous, caché avec cette personne, dans cette chambre. Seulement, si vous saviez, si vous saviez !» Ses lèvres frémissaient, des larmes montaient à ses paupières. Il la regardait et il était surpris de l'extraordinaire beauté qui transfigurait son visage. Cette femme, toujours en noir, très simple, sans un bijou, lui apparaissait dans un éclat de sa passion, hors de l'ombre où elle s'effaçait, s'éteignait d'habitude. Elle qui n'était point jolie au premier aspect, trop brune, trop mince, les traits tirés, la bouche grande, le nez long, prenait, à mesure qu'il l'examinait, un charme troublant, une puissance de conquête irrésistible. Ses yeux surtout, ses larges yeux magnifiques, dont elle cachait d'ordinaire le brasier sous un voile d'indifférence, brûlaient comme des torches, aux heures où elle s'abandonnait toute. Il comprit qu'on l'adora, qu'on put la désirer à en mourir. « Si vous saviez, monsieur l'abbé, si je vous racontais ce que j'ai souffert, ce sont des choses que vous avez soupçonnées sans doute, puisque vous connaissez ma belle-mère et mon mari. Les rares fois que vous êtes venus chez nous, vous n'êtes pas sans avoir compris les abominations qui s'y passaient, malgré mon air d'être toujours contente dans mon petit coin de silence et d'effacement. Mais vivre ainsi 10 ans, mais ne jamais être, ne jamais aimer, ne jamais être aimé. Non, non, je n'ai pas pu. » Alors, elle conta la douloureuse histoire. Son mariage avec le marchand de diamants, désastreux dans son apparent coup de fortune, sa belle-mère, une âme dure de bourreau et de geôlier, son mari, un monstre de laideur physique, de vilenie morale. On l'emprisonnait. On ne la laissait pas même se mettre seule à une fenêtre. On l'avait battue, on s'était acharné contre ses goûts, ses envies, ses faiblesses de femme. Elle savait qu'au dehors, son mari entretenait des filles. Et si elle souriait à un parent, et si elle avait une fleur au corsage, en un jour rare de gaieté, il arrachait la fleur, entrait dans des rages jalouses, lui brisait les poignets avec d'affreuses menaces. Pendant des années, elle avait vécu dans cet enfer, espérant quand même, ayant en elle un tel flot de vie, un si ardent besoin de tendresse, qu'elle attendait le bonheur, croyant toujours le voir entrer au moindre souffle. « Monsieur l'abbé, je vous jure que je n'ai pas pu ne pas faire ce que j'ai fait. J'étais trop malheureuse, tout mon être brûlait de se donner. Quand mon ami, la première fois, m'a dit qu'il m'aimait, j'ai laissé tomber ma tête sur son épaule. Et c'était fini. J'étais sa chose pour toujours. Il faut comprendre ses délices. Être aimé, ne trouver chez son ami que des gestes de caresse, des paroles de douceur, la continuelle préoccupation de se montrer prévenant et aimable. Et savoir qu'il pense à vous, qu'il y a quelque part un cœur où vous vivez, et n'être que vous deux, n'être plus qu'un, s'oublier dans une étreinte où tout se fond, les corps et les âmes. Ah, si c'est un crime, monsieur l'abbé, je ne puis en avoir le remords. Je ne dis même pas qu'on m'y a poussé, je dis que je l'ai commis aussi naturellement que je respire, parce qu'il était nécessaire à ma vie. Elle avait porté la main à ses lèvres comme pour donner un baiser au monde. Et Pierre se sentit bouleversé devant cette amoureuse qui était la passion, l'éternel désir. Puis une immense pitié commença à naître en lui. « Pauvre femme !» murmura-t-il. « Ce n'est pas au prêtre que je me confesse, » reprit-elle. C'est à l'homme que je parle, à un homme dont je serais heureuse d'être comprise. Non, je ne suis pas une croyante, la religion ne m'a pas suffi. On prétend que des femmes s'y contentent, qu'elles y trouvent une protection solide contre la faute. Moi, j'ai toujours eu froid dans les églises, j'y meurs de néant. Et je sais bien que cela est mal, de feindre la religion, de paraître la mêlée aux choses de mon cœur. Mais que voulez-vous ? On m'y force, et si vous m'avez rencontré à Paris derrière la Trinité, c'est que cette église est le seul endroit où l'on me laisse aller seul. Et si vous me trouvez ici à Lourdes, c'est que de toute l'année, je n'ai que ces 3 jours de liberté absolue, d'absolu bonheur. Un frisson la reprenait, des larmes chaudes coulèrent sur ses joues. Ah, ces 3 jours! Vous ne pouvez pas savoir avec quelle ardeur je les attends, avec quelle flamme je les vis, avec quelle rage j'en emporte le souvenir.